Bon, merci de m'avoir invité à dialoguer à ce séminaire. Alors, l'intitulé de ce séminaire fait l'hypothèse que le public est un facteur de transformation essentiel pour comprendre l'emploi et le travail dans les administrations. Peut-être plus encore que l'État, qui en est en principe le maître d'œuvre. Alors c'était important de se poser cette question parce que les administrations doivent respecter depuis le début du XXe siècle les principes juridiques du service public que sont l'égalité d'accès des usagers, l'équité, l'adaptabilité et la continuité. Alors, les mises en œuvre de ce droit ont été beaucoup étudiées par la sociologie de l'action publique en particulier, et les usagers, clients, publics sont maintenant très très bien documentés par toute une série de travaux. Ce que je voudrais montrer ici, c'est que les destinataires du service public ont un rôle plus structurant que ce qui a été écrit dans la littérature scientifique. Alors, dans cette littérature, on a d'un côté des travaux qui considèrent l'usager comme une variable extérieure au travail. Alors là, je pense par exemple aux travaux de Philippe Bézès qui montrent que les usagers sont très souvent instrumentalisés par les hauts fonctionnaires pour et utilisés comme un argument rhétorique pour faire passer des réformes. Au nom de la satisfaction des besoins des usagers. Il y a d'autres travaux, comme ceux d'Alexis Spire, qui montrent que les clients sont aussi utilisés par les réformateurs pour réduire les marges de manœuvre des agents sur le terrain. Et alors, il y a encore d'autres travaux qui analysent les usagers, plus en interaction avec les fonctionnaires. Donc là, je pense aux travaux qui montrent comment les usagers sont capables de modifier les conditions de travail quotidiennes des agents, et je pense aux travaux d'Yasmine Ciblot, par exemple, et puis comment surtout ces usagers ils peuvent produire des dilemmes moraux chez les agents de guichet. Et là, c'est surtout les travaux de Jean-Marc Veller, auxquels je pense. Et les usagers, chez Jean-Marc Veller, peuvent même dire le droit quand la règle n'est pas claire. Ça va assez loin. Alors moi, tout en m'inscrivant dans ces travaux, j'ai souhaité considérer le public comme une variable interne à l'analyse du travail et en adoptant une démarche historique. Et donc, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet de voir qu'il y a, dans la période que j'ai étudiée, une segmentation parallèle des publics et des emplois. Et donc, la période que j'ai étudiée, c'est une période justement de croissance des services publics, qui va du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à 1981. Donc j'ai étudié cette période pour le cas de deux administrations, la Poste, dans le cadre d'une thèse, et les musées, dans le cadre d'une habilitation à diriger les recherches. Et donc c'est cette habilitation qui a donné lieu au livre qui circule actuellement et qui s'intitule « Travailler au musée, public, conservateur et gardien au British Museum et au Louvre ». Alors, à la Poste, comme au musée d'ailleurs, les sondages et les enquêtes ne nous donnent une connaissance des publics que très tardive et très partielle. C'est la fin des années 60 pour les publics des musées, et puis c'est plutôt les années 70 pour les usagers transformés en clients à la Poste. Et... heureusement pour nous et pour les historiens, les publics ont laissé beaucoup de traces dans les archives. Alors on les trouve par exemple dès le 19e siècle, dans les réclamations, dans les dossiers de carrière et même dans les feuilles de notation. Donc ça a été un grand bonheur pour moi de pouvoir les utiliser et de travailler dessus. Alors, dans ces archives, j'ai rencontré trois types, trois manières différentes de désigner les destinataires des services publics, usagers, clients et publics. Alors, la définition n'est pas la même. L'usager, il est indifférencié. Il jouit en principe d'un droit égal dans le traitement qu'on doit lui accorder. Le client, c'est différent. Le client, il est singulier et il doit être traité en fonction de ses exigences spécifiques. Le public, il vient volontairement au musée et il n'est pas captif du service. Et donc on voit que selon le terme qui est employé, ça a des effets et des conséquences différentes sur l'organisation du travail et de l'emploi. Donc c'est ce que je voudrais montrer ici et je reviendrai en trois parties sur la question de recherche qui m'a animée dans ce travail, la comparaison entre le Louvre et le British Museum, et troisième partie, les résultats qu'a produit cette comparaison. Alors j'en viens à ma première partie, quel est l'intérêt de considérer le public comme une variable interne au travail? Eh bien, ça permet de comprendre qu'il y a entre 1945 et 1981 une segmentation parallèle des publics et du travail. Et je le montrerai grâce à l'exemple de mes deux administrations, donc la Poste et les musées à cette période. Alors, dans le cas de la Poste, les usagers ont été transformés en clients, ce qui a conduit à segmenter l'emploi. Alors, dans les années 60, ce que j'avais observé, c'est que avec l'accroissement de la bancarisation française, les usagers des services financiers de la Poste sont de plus en plus nombreux, et le secteur bancaire en général monte en puissance d'ailleurs, et la Poste doit développer sa présence dans les services financiers, mais qui deviennent concurrentiels. Et maintenir en même temps sa vocation de service public. Et en 1965, elle se lance résolument dans une politique commerciale, offensive, pour placer les bons du trésor de l'État et autres produits financiers de l'État. Et j'ai regardé les conséquences de cette politique commerciale sur le métier de chef d'établissement, donc qu'on appelle à l'époque les receveurs des postes. Et on voit très bien comment l'injonction à s'occuper des usagers, qui sont transformés en clients des services financiers, transforme leur activité de travail et leur emploi. Alors ça transforme leur activité de travail, pourquoi? Parce que ces chefs d'établissement ont désormais une clientèle qui est divisée, segmentée en trois, les gros, les moyens et les petits clients. Et petit à petit, c'est l'égalité des usagers devant le service public va être remplacée par l'égalité des clients placés dans des situations semblables. Alors, ça transforme aussi leur emploi. Pourquoi ? Parce que les chefs d'établissement perçoivent des primes pour le placement des produits financiers de la Poste. Et le système prend à l'époque une telle importance que ça bouleverse la pyramide hiérarchique des emplois et des rémunérations en haut, c'est-à-dire que certains chefs d'établissement de bureaux de poste parisiens, essentiellement, sont mieux rémunérés et sont placés plus haut dans les emplois que les hauts fonctionnaires de l'administration centrale. Voilà. Je prendrai maintenant le cas toujours sur la Poste, mais d'un autre métier qui est très révélateur de cette transformation. qui n'a pas été étudié par moi, mais par à la fois Nadège Vézina et Françoise Piotet, qui sont deux sociologues du travail, et donc le métier de conseiller financier. Il a été créé en 1988, le métier de conseiller financier à la Poste, mais c'est l'agrégation de différents sous-groupes qui étaient en charge des activités financières depuis les années 70. Et donc, jusqu'en 88, les guichetiers, c'était le passage obligé pour tous les usagers. On leur appliquait à tous la même règle, ce qui permettait éventuellement aux guichetiers de traiter avec dédain un usager puissant qui venait insulter le guichetier, ou qui permettait aussi au guichetier d'aider la vieille dame à remplir son carnet de caisse d'épargne. Et on voit très bien comment la Banque Postale, en dénommant l'usager comme un client, a créé, et en créant ce métier de conseiller financier, a créé à la fois une division interne du travail entre les guichetiers et les conseillers financiers, qui sont les seuls à avoir des bureaux, hein, dans les bureaux de poste par rapport aux guichetiers. Et en même temps, elle a créé une division des clients à la même période entre grands comptes et particuliers. Alors, cette transformation du travail à la poste, elle s'est faite à travers un enjeu de rentabilité et de productivité des services financiers. C'est très différent dans l'administration des musées, évidemment. Et dans l'administration des musées, la hausse des publics a aussi segmenté le travail et l'emploi, mais à travers un enjeu différent qui est l'enjeu d'accès à la culture. Donc, je vais en parler un peu maintenant. Donc, avant 1959, la culture, c'est un secrétariat d'État aux Beaux-Arts et à l'intérieur du ministère de l'Instruction publique. Et le ministère des Affaires culturelles est créé en 1959. Et à partir de 1959, le ministère de la Culture affirme une mission égalisatrice sur l'ensemble du territoire. Et la nouvelle administration doit rendre les œuvres accessibles au plus grand nombre. Alors, cette période des années 60-70, après la création du ministère, où d'ailleurs un débat très vif entre les conservateurs nationaux et territoriaux, parce que les conservateurs nationaux défendent majoritairement la conservation des œuvres et les conservateurs territoriaux défendent plutôt l'animation et la diffusion et l'insertion dans les territoires locaux. Et donc, au Louvre, comme il n'y a que des conservateurs d'État, que des conservateurs nationaux, les positions sur l'explication des œuvres au public sont très tranchées en faveur de la conservation. Donc le Louvre, c'est un cas particulier par rapport à l'ensemble. Ceci dit, ça vaut quand même la peine de se poser la question, tous ces nouveaux publics qui arrivent en masse au musée du Louvre, comment vont se répartir les tâches à la fois d'accueil, de renseignement et d'explication des œuvres entre les différentes fonctions, entre les différents emplois? Eh bien, ce qu'on observe, c'est que c'est les gardiens qui sont en bas de la pyramide hiérarchique, qui vont s'occuper du contact avec les usagers de base, modestes, peu éduqués, qu'il faut surveiller. Donc, effectivement, les gardiens surveillent l'agitation dans les salles, surveillent les flux, la prise de nourriture, etc. Mais ils n'ont absolument pas le droit de renseigner les publics sur quoi que ce soit, sur les œuvres, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas formés. Ils ne sont jamais formés, en tout cas, à partir de 1990 seulement. Les conservateurs masculins s'occupent, eux, de des catalogues et de l'activité scientifique, et donc ils ont une conception des publics éclairés, instruits, mais ils ont un contact indirect avec les publics via cette activité scientifique. Et puis, c'est grâce à des femmes conservatrices bénévoles que les services éducatifs qui se créent dans les années 60, puis de médiation, vont pouvoir être prises en charge et donc sans ouvrir de nouvel emploi de titulaire. Donc là, c'est des travaux, je m'appuie sur des travaux d'Aurélie Perrin qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et donc, pour conclure sur cette question et cette première partie, on voit que plus on s'éloigne du public, plus les emplois sont dévalorisés, et plus on se rapproche du public, plus on s'éloigne du public, plus les emplois sont valorisés dans la hiérarchie, et plus on se rapproche du public, plus ils sont dévalorisés. Et alors, vous allez me dire, oui, cette question, ça a été étudié dans le cadre français, et c'est bien possible que, en France, les corps de fonctionnaires d'État au contact du public, ils ont été classés de toute façon en 1946 en catégorie D, puis C. Donc, on peut se demander si c'est spécifique à la France et à la fonction publique française. Et a priori, on peut penser que oui. Mais en fait, la recherche comparative empirique m'a fait beaucoup évoluer sur ce point. Et donc, j'en viens à ma deuxième partie sur la comparaison entre le Louvre et le British Museum. Alors, pourquoi comparer et comment comparer ? Quand même un point là-dessus. Pourquoi comparer ? Donc, j'ai le Louvre et le British Museum. Alors, j'ai voulu comparer le Louvre a son équivalent du côté britannique. Pourquoi ? Parce qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de définition juridique du service public ni de statut général des fonctionnaires. Et je me suis demandé si cette absence produisait une organisation du travail différente dans les deux musées. Et là, j'ai eu successivement trois surprises. La première surprise, c'est que à la Libération, donc pendant la formation du modèle français de fonction publique, les fonctionnaires français se nourrissent d'échanges avec le Royaume-Uni. Et par exemple, le Roger Grégoire, le directeur général de la fonction publique, va chercher les principes de la notation chez les officiers britanniques qu'il introduit ensuite dans la notation en France. Et là, les travaux de Natacha Galli se sont inscrits aussi dans la... et ont développé ces idées-là. Deuxième surprise, c'est l'opposition entre une gestion centralisée en France et une gestion décentralisée au Royaume-Uni. Ça ne fonctionne pas du tout dans le cas de la culture à cette période. Alors, ça ne fonctionne pas pourquoi ? Du côté britannique, en fait, l'intervention de l'État dans la culture s'accroît en 1946. Et en 1946, l'économiste John Maynard Keynes crée le Conseil des Arts qui instaure un mécénat d'État, mais ce mécénat d'État et ce Conseil des Arts agit complètement en partenariat avec les orientations gouvernementales et par l'intermédiaire du Parlement. À un point tel que les conservateurs, avant leur arrivée au gouvernement en 1979, promettent que s'ils y arrivent, il y aura un retrait de l'intervention de l'État dans la culture. Voilà. Alors, du côté français, le ministère de la Culture est vraiment très loin d'être centralisé. Et par exemple, la direction des musées de France a bien du mal à connaître, ne serait-ce que le nombre de ces musées territoriaux, qui emploient pourtant la majorité du personnel des musées dès les années 60. Et donc là, c'est les travaux de Frédéric Poulard qui ont éclairé aussi cette dimension. La troisième surprise, ça a été, c'est la dernière, c'était de découvrir que, alors que les agents des deux musées ont un statut d'emploi différent, il y avait en fait une organisation du travail qui était très proche. Alors, les statuts des personnels au British Museum, c'est des contractuels de droit privé. Donc, le statut du personnel ne dépend pas du civil service. Les personnels ne sont pas des fonctionnaires de la couronne et ils dépendent du conseil d'administration. Tandis que au Louvre, les personnels, en principe, ce sont des fonctionnaires. Et donc, si on suit les travaux scientifiques et les distinctions entre statut et contrat, et notamment les travaux d'Alain Supiot ou de Catherine Paradise, la distinction entre statut et contrat, elle devrait, en principe, conduire à une organisation du travail différente. Alors, pourquoi? Parce que pour les salariés du secteur privé, les décrets parodie de 1946 et puis les classifications ultérieures, donc classent des postes en fonction du niveau de qualification, et l'accès à ces postes dépend d'un titre, mais le titre garantit absolument pas l'accès au poste. Et donc la ligne hiérarchique, elle est discontinue dans le privé, dans les emplois sous contrat. Alors que pour les fonctionnaires, la ligne hiérarchique, elle est continue. Le statut général de 1946, donc, enfin bon, tout le monde doit connaître ça par cœur, mais donc classe des postes en fonction du concours et du niveau d'études, et puis les intègre à un corps, et le corps est constitué de grades. Et la séparation du grade et de l'emploi, ça signifie que le fonctionnaire n'est pas recruté pour occuper un emploi, mais un grade déterminé auquel son corps lui donne accès et puis qui ouvre des perspectives d'avancement. Bref, c'est ce qui permet en tout cas à cette période que j'ai étudiée une grande mobilité géographique et professionnelle dans la fonction publique, sur tout le territoire, sans perdre en rémunération. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le statut général des fonctionnaires nous est envié par les Britanniques et en particulier par les personnels du British Museum, qui pensaient que ça se passait mieux chez nous. Alors, en fait, j'ai découvert une organisation du travail très proche dans les deux musées. Et dans les deux musées, en fait, la ligne hiérarchique, elle est discontinue et il n'y a pas de perspective d'avancement jusqu'au début des années 70 au moins. Alors pourquoi? D'abord, au British Museum, la spécialisation du personnel, elle est énorme. Il y a à peu près 250 grades ou fonctions différentes et c'est quasiment impossible de passer d'une tâche à l'autre. Au Louvre, on trouve aussi à peu près 250 grades, mais en principe, ces grades devraient être intégrés et regroupés au sein d'une vingtaine de corps, si on suit le statut général des fonctionnaires, et permettent de l'avancement de grade. En réalité, à la culture, enfin au musée du Louvre, les statuts particuliers sont très très longs à se mettre en place et c'est 1963 pour le statut des conservateurs d'État et pour bien d'autres. Et surtout, on trouve aussi des corps avec un seul grade. Et donc, L'intérêt de cette comparaison à cette période entre le Louvre et le British Museum, c'est quand même de montrer que l'organisation du travail, elle est en grande partie indépendante du statut de l'emploi. Alors maintenant, comment aller plus loin dans la comparaison? Et je vais dire juste un mot sur mes sources et la méthode qui m'ont aidée. Donc, comme source, j'ai dépouillé dans les deux musées les archives d'un des principaux organes de dialogue entre administration et syndicats dans les deux musées à cette période. Donc, au Louvre, j'ai regardé les archives des commissions administratives paritaires. Qui ont été créés en 1946 principalement pour examiner les situations individuelles et l'avancement de carrière. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça au Louvre. Ces archives en disent beaucoup plus. Et elles en disent beaucoup plus sur le travail et l'emploi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a aucun lieu de discussion au Louvre pour discuter des réorganisations du travail que la hausse des publics implique. C'est logique. Il n'y a aucun lieu. Donc, c'est bien souvent au sein des commissions administratives paritaires qu'on trouve ces discussions et pas dans les CTP, dans les comités techniques paritaires, parce que, ils sont très rarement réunis. Je ne sais pas pourquoi. Alors, au British Museum, j'ai consulté les archives des conseils Whitley. Alors les conseils Whitley, ils ont été créés au Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale. Ils ont duré jusqu'à la fin des années 80 dans beaucoup d'établissements. Et ils ont des attributions beaucoup plus larges que les CAP, que les commissions administratives paritaires, parce que ils sont consultés pour tous les sujets que employeurs et salariés ont en commun. Donc les attributions sont plus larges et les archives sont très riches. Alors, il y a une autre source que j'ai trouvée seulement au musée du Louvre, malheureusement, c'est les feuilles de notation. Alors les feuilles de notation, je les ai trouvées surtout pour les gardiens de musée, parce que c'est les personnels les plus nombreux. Donc il y a un service du personnel qui se met en place assez tôt. Les gardiens de musée, ils ont revendiqué d'être notés dès le début du XXe siècle pour éviter le népotisme et les décisions arbitraires. Et puis, à partir de 1946, ces feuilles de notation, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment elles permettent d'introduire, au moins en principe, une part de mérite par rapport à l'ancienneté, puisque on essaye de distinguer les agents les plus méritants. Alors, ces feuilles de notation, elles sont plus difficiles à trouver pour les conservateurs d'État, parce que bien sûr, les conservateurs d'État sont évalués par leur pair au niveau scientifique, leur équivalent. Et donc, on trouve quelques feuilles de notation. Mais plus rare et de manière irrégulière à partir de la fin des années 60. Voilà, alors même s'il y a un léger déséquilibre des sources, donc cette comparaison, elle a produit des résultats, et j'en arrive à ma dernière partie, et je donnerai juste deux résultats qu'a produit de cette comparaison sur public et segmentation professionnelle et public et éthique. Alors, premier résultat sur public et éthique. Alors, le public sert clairement de référence pour segmenter les catégories professionnelles. Je vais d'abord parler du Louvre. Donc, au Louvre, la diffusion de la notation a des effets quand même assez inattendus. Parce que, au lieu d'aligner les corps des fonctionnaires sur des règles communes, eh bien, au contraire, elle accentue les divisions entre catégories professionnelles. Alors, si on regarde les gardiens, Ils sont notés dans les années 50 avec 13 critères. Je ne vais pas vous les lister tous, mais par exemple, l'aptitude physique, la ponctualité, l'ordre, la tenue, la moralité, le respect du commandement, etc. Et en plus, à partir de 1955, avec un critère de bon rapport avec le public. Parce qu'effectivement, les gardiens doivent être un peu plus aimables avec les visiteurs, mais surtout toujours sans jouer le rôle de guide. Pour les conservateurs d'État, on trouve à la fin des années 60 quatre critères de notation différents. Donc, les connaissances professionnelles, la culture générale et les relations avec la profession, le sens du commandement et l'efficacité. Et puis on trouve un cinquième critère qui est sur la fiche, le sens du service public. Mais le sens du service public, il faut l'entendre. En tout cas, c'est les appréciations que porte le directeur des musées de France vont dans ce sens, comme le service de l'État. Alors, bien évidemment, les conservatrices bénévoles, dont je parlais tout à l'heure, elles échappent complètement à ces procédures de notation et donc d'avancement aussi. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'on les trouve sous des intitulés divers dans le budget de la direction des musées de France. Conservatrice bénévole à plein temps, conservatrice bénévole à mi-temps, conservatrice bénévole rémunérée aussi, j'ai trouvé. Mais, et ça me fait penser au dossier d'une conservatrice bénévole à temps plein pour aider son conjoint conservateur, qui devient conservatrice des services éducatifs qui se créent dans les années 60, toujours bénévole. Elle demande régulièrement sa titularisation, sans jamais l'obtenir. Et finalement, en 1970, elle prend sa retraite. Au lieu de la lui accorder, on lui donne gracieusement la Légion d'honneur. Voilà. Alors, maintenant, regardons ce qui se passe au British Museum. Et là aussi, le public sert de référence pour diviser la fonction de gardiennage. Alors, la fonction de gardiennage se divise en deux à partir des années 60. D'un côté, on a les gardiens de salle qui surveillent de manière statique ou mobile les flux de visiteurs. Et de l'autre côté, on a les agents de sécurité qui sont à l'abri du regard des visiteurs, qui sont derrière et qui sécurisent le musée. Et eux ont un déroulement de carrière bien meilleur et ils ont une formation à partir de 1980. Alors, j'en viens au deuxième et dernier résultat sur l'éthique du service public. Alors, l'éthique du service public au Louvre, les personnels mobilisent une éthique du service public, ça n'étonnera personne, donc de manière différente selon les grades. Par exemple, les syndicats de gardiens, quand ils se mettent en grève en 1968 pour obtenir de meilleures conditions de travail, c'est au nom du service public. Les conservateurs d'État, c'est différent. Ils ont le monopole de la réflexion sur le service public. Et ils ont en fait un pouvoir considérable car ils sont les seuls à décider de ce qu'on va montrer, de ce qu'on va sortir des réserves et de ce qu'on va montrer au public qui est contraint au mutisme et qui ignore ce qu'il y a dans les réserves. Alors, c'est pas très étonnant, mais c'est beaucoup plus étonnant de trouver cette éthique en pratique au British Museum, puisque il n'y a pas de définition juridique du service public au Royaume-Uni. Alors en fait, le droit britannique peut sanctionner l'inégalité de traitement des usagers comme un exercice déraisonnable du pouvoir. Et ça, c'est des travaux d'une juriste en droit comparé, Anne-Elisabeth Villain-Courrier, qui l'ont montré. Et au British Museum en particulier, donc le Conseil Whitley met à l'ordre du jour, à partir de 1950, je cite, « la détérioration du service public des musées ». Alors, ça concerne plusieurs départements, mais en particulier celui des antiquités, parce que il y a personne pour accueillir les publics, ni pour entretenir les collections, et la situation est vraiment catastrophique. Un autre exemple de cette éthique du service public, c'est que les agents du British Museum demandent régulièrement, entre 1950 et 1970, la fermeture des salles de lecture du British Museum pour les jours fériés, et puis pour faire respecter la législation du repos du dimanche. Et le directeur du personnel du musée s'y oppose tout aussi fermement entre 1950 et 1970, car cela entraverait les missions de service public du musée, je cite le directeur. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le service public inscrit dans le droit français n'a pas donné lieu à un service public gratuit réel au Louvre à cette période, alors que le British Museum l'a mis en œuvre sous forme de négociation, mais sans l'énoncer dans le droit. Et donc, la France et le Royaume-Uni construisent des services publics dans les musées, et des formes d'emploi et de travail dans les musées qui sont plus proches que ne pourrait laisser penser la distinction entre statut et contrat. Voilà. Et donc j'en arriverai à ma conclusion, qui est de la comparaison, elle est intéressante, parce qu'elle permet de montrer que la prétendue spécificité française du statut des fonctionnaires, elle doit quand même être nuancée, donc non seulement en fonction des périodes, mais aussi en fonction des administrations et des pays avec lesquels on compare, et en prenant en compte le public. Et pour terminer et revenir à ma question de départ, je trouve que c'est important d'intégrer les destinataires du service public comme une variable interne à l'analyse du travail, en comparant avec l'étranger, parce que ça permet de comprendre comment le public segmente le travail de manière en grande partie indépendante des politiques d'emploi et de gestion du personnel, quand elles existent, ça dépend des périodes, dans les administrations. Voilà. Alors après, bien sûr, ça dépend si les administrations ont des publics ou pas, si on a affaire à des corps d'État ou à au cadre d'emploi de la fonction publique territoriale. Et puis, on peut aussi s'interroger peut-être dans la discussion sur les éléments de continuité et de rupture par rapport à cette période, parce qu'on est dans un contexte de croissance de l'emploi public et de croissance économique. Voilà.